nur de silo hin à Brezhoneg. C'est l'heure de retrouver hin à Brezhoneg. Vous êtes bien sur RKB pour Hentar Brezhoneg. Comme d'habitude, on commence par Gerriou Arvué, l'émission 399. Quel mot on voit aujourd'hui, Henri? Oui, donc aujourd'hui, j'ai puisé un peu dans l'actualité. Je me suis dit que ce serait intéressant de traiter le mot canton. Mm-hmm. Canton en breton, c'est le même mot pratiquement. Peut-être le cas est un peu plus dur en breton. Et donc, alors en breton, c'est un mot masculin. Donc, le cas va muter en CH apostrophe H, c'est scrabache. Avec l'article, hein. Donc on va dire canton. Alors donc le mot français canton est d'origine occitane, hein. C'était en Provence par exemple, hein. Cantoun, hein, qui veut dire un coin. Un coin. Vraiment c'est un coin au départ, hein. Et puis le mot coin c'est élargi un peu, hein. On dit le bon coin. Donc voilà. Quelqu'un du coin, bon voilà. Et donc c'est devenu le mot est passé en français et il est également passé dans le langage professionnel de plusieurs professions. Par exemple, pour les voies ferrées, on parlait de canton de voies ferrées, canton de forêt aussi chez les forestiers. Hein, donc c'est un endroit qui est délimité, hein, voilà. Alors on parle souvent des cantons en Suisse aussi, hein, puisque les États suisses, en fait, les 22 cantons forment la Confédération helvétique. Et ce sont des cantons qui ont une grande autonomie, hein. C'est pas du tout l'équivalent du canton en France, hein. C'est des cantons qui ont une véritable autonomie et même des lois cantonales. Voilà. Alors en France, donc on a le canton a été instauré par une loi de la Révolution en décembre 1789. Et petit à petit, on est arrivé à peu près vers 1801 au canton actuel. C'est pour ça que la réforme cantonale, hein, donc pour les élections de 2015, va être un bouleversement complet, puisque les cantons avaient plus de 200 ans. Mmh. Et puis les gens sont habitués donc à leur canton, puisque le canton n'est pas une collectivité locale, c'est simplement une circonscription administrative, mais en fait c'est beaucoup plus que ça dans l'esprit des gens, puisque c'est donc le but du canton au niveau des élections, c'est d'élire un conseiller général, puisque le conseil départemental est en fait appelé conseil général, ce qui n'est pas très clair d'ailleurs pour beaucoup de gens, puisque maintenant il y a le conseil général, le conseil régional, et le régional est au-dessus du général, c'est assez curieux. Et donc, en fait, le canton, on a des gros bourgs qui sont devenus des chefs-lieux de canton, mais c'était une situation qui existait un peu avant, c'est les gros bourgs, hein, qui existaient autrefois en général, qui sont devenus, hein, les chefs-lieux de canton, comme Calac, Bourbriac, Rostronin, Saint-Nicolas. Oui, il y avait une activité économique. C'est ça, oui. Souvent, il y avait aussi une bourgeoisie dans ces gros bourgs. Hein, c'est là qu'on va trouver les professions libérales, le notaire, le médecin, voilà. Et puis, tout s'est greffé là-dessus, hein. Bon, après, il y a eu les comices agricoles, hein, qui sont donc, le comice est cantonal aussi. Il y a eu donc les gendarmeries, les collèges, bon, donc si bien que le chef-lieu de canton a pris une grande importance. Et on voit bien dans les discussions actuelles, il y a cette crainte de perdre l'importance du bourg-centre, en fait, hein. Voilà. Alors, le canton en français, donc, a donné des mots dérivés, comme une famille de mots, hein, cantonale, hein, par exemple. Bon, on n'a pas des lois cantonales ici, mais on a des élections cantonales, hein, voilà. Et puis le mot cantonnier, le cantonnier qui est celui qui entretient les routes. Et bon, au départ il y avait bon un entretien cantonal et puis il y a l'entretien par les communes. Le cantonnier en fait est souvent communal. Mais on en a beaucoup parlé, hein, des cantonniers. Le cantonnier était souvent brocardé, hein, considéré par les autres catégories de la population comme un petit peu paresseux. Mm-hmm. Alors il y a beaucoup de choses en breton là-dessus. Et enfin, on dit comment en breton, cantonnier? Alors on dit cantonnier. Alors on va voir justement que c'est un mot venu du français, mais qui s'est adapté à la langue bretonne, qui s'est bretonisé. Alors il y a beaucoup de chansons qui ont été faites sur les cantonniers. Hein. En français, il y a le fameux cantonnier sur la route de Louviers. Sur la route de Louviers, il y avait un cantonnier, et qui cassait des tas de cailloux pour mettre sous le passage des roues. Hein, voilà, une chanson qu'on chantait autrefois dans les mariages. Et alors, donc en breton, justement, cantonnier, c'est un mot masculin, donc il va prendre la mutation après l'article, on dira cantonnier. Mm-hmm. Et alors, comme c'est un nom de personne dont le pluriel n'est pas en ou, cantonérienne, on va avoir la mutation adoucissante. Alors, cantonérienne. Cantonnier, alors il y a eu beaucoup d'histoires sur le cantonnier, hein, la sueur, Ruisa Dürer. Alors, cantonnier, la sueur du cantonnier, qui était considérée comme un bien très précieux puisqu'elle était très rare. Des choses comme ça, c'est pas toujours très gentil. Pas leur entendre aussi la pelle du cantonnier. Ils avaient des pelles qu'on appelle pas le chimino aussi en breton. Mmh. Et donc il y avait des histoires sur, par exemple, je me souviens, on racontait que une limace pouvait monter pendant le travail sur la pelle du cantonnier. Quoi. Bon, c'était un peu voilà. Et aussi Ray Bronderball, c'est-à-dire à l'été, la pelle, c'est la position du cantonnier qui s'appuie sur sa pelle. Quoi. Donc, Ray Bronderball, quoi. À l'été, la pelle, quoi. Le manche de la pelle. Voilà. Alors, j'ai dit en breton, hein, le mot canton, c'est un canton, hein, mot masculin. Et il y a un pluriel aussi, cantonniaux. Hein. Par exemple, on dirait cantonniaux un département, hein, les cantons du département. Voilà. Alors, Je disais que effectivement ces bourgs-là sont les cantons ont très peu varié depuis 1801. Il y a des cantons qui ont changé de nom, par exemple le canton de Botoy est devenu le canton de Saint-Nicolas parce que le bourg centre s'est déplacé vers Saint-Nicolas. En fait, Saint-Nicolas l'a emporté sur Botoy, mais bon, le découpage a été très peu modifié. Et donc c'est pour ça que c'est resté dans l'esprit des gens et que ça va être quand même un bouleversement de cette réforme, hein, si elle a lieu. Hein. Alors l'Église également s'était adaptée à cette configuration-là et on disait aux personnes cantonnes. Personne cantonne, c'est le curé doyen. Donc c'était une promotion d'être personne canton. Aujourd'hui, il n'y a plus que des personnes canton. Mmh. Mais à l'époque, évidemment, le personne canton, le curé doyen du canton, c'était quelqu'un qui avait déjà une certaine promotion. Il n'avait pas de hiérarchiquement, il n'avait pas de pouvoir sur les autres, mais bon, c'était quand même quand on allait déjeuner chez le personne canton. Hein, c'était quelque chose. Et alors on disait « sermon de personne de canton », un sermon de curé doyen, pour dire qu'un sermon bien écrit, qui se tenait un peu plus que le sermon du dimanche habituel. Alors, personne de canton. Voilà. Bon, ben, on a fait un petit tour sur les cantons. On en reparlera dans Pétrazonévé, probablement, puisque ça va encore remuer d'ici 2 ans. Donc, on aura l'occasion d'en reparler. Très bien, on passe à la deuxième partie d'émission, Brézonnec dans ma tombe. Thank you. Et on passe à Brezhoneg Tanmatan, Chanik, la fille de la radio. Eh bien, elle va voir Marcel. Est-ce qu'on peut rappeler qui est Marcel, à Zantolac, Henri? Ben, Marcel Billon, c'est un gars qui habite à Kerblay, hein. Donc, Kerblay, c'est dans Zantolac. Et puis, c'est un amateur de chevaux. Il va à toutes les foires aux chevaux. Alors, il n'y a pas longtemps, il était allé à la foire de Bulat. Mmh. Et là, il est allé à la foire de Kerien. Et Chanik est retourné le voir. Ah oui. Alors, on l'écoute. Salut, Marcel. Penosement compte. Matré, Chanik, matré. Quand vous êtes meuse des vaisseaux de se voir Vulat, mais un DL, orbe droit, se voir Kerien? Ya, Chanik, plusieurs adines m'ont devait la Riezek, à Tiezeger Vrod, à Istol. À Kalza Gezek, et Zobet? Ya, Zur, Baroncourt, hein, ou à Spen Cannebel, à Milardar, ou à Tut, Hervé Kled, ou à Wardro, 16 000 dudes. Gouelet peut sa Riezek? À Endel? Ah, Endel, Chomedon gant me merde, hag deb me skistin rostet, hag gremeuz troer staliou, hag an tamm tro ba fezde, on devez bra ben er fin. An amzer oa bra ye. Aya, aya, bra an amzer. On reprend, phrase à phrase, ce dialogue sur la foire de Kerien. Chanik demande, salut Marcel, penosement compte. Oui, penosement compte, comment ça va? Matré, Chanik, matré. Très bien, Chanik, très bien. Comme ze mump, ne vaisseau de se voir vu lat. Ya, comme ze mump, alors, en breton, écrit, on dirait plutôt comme ze onneus, hein, mais ici, on dit comme ze mump. Comme ze mump, ne vaisseau de se voir vu lat. Nous avons parlé, ne vaisseau, il n'y a pas longtemps, de la foire de Bulat. Med un DL, orbet roise, foire Kerien. Ya, med un DL, orbet roise, va voir Kerien. Mais, l'autre jour, vous êtes allé encore, à la foire de Kerien. Alors, il y a une mutation, hein, voir Djerien, mm. comme il y avait voir Vulana. C'est pas Kerien, c'est Djerien. Djerien, il y a, voir Djerien, ouais. Il y a Chanik, Plijeradine, monde à vélo de Kézekavron. Il y a Chanik, Plijeradine, alors j'aime bien, hein, il me plaît, monde de vélo, hein, après il y a toujours un infinitif, hein. Plijeradine, monde de vélo, allez voir, Kézekavro. Alors, Kézekavro, c'est il y a deux sens, en fait, hein. C'est les chevaux du pays. Ça pourrait être n'importe quelle race. Mais en fait, en général, quand on dit Tiezegorvro, c'est des chevaux bretons. Parce que maintenant, dans le pays, il y a autant de chevaux qui sont pas des chevaux bretons que d'autres, hein, mais. Voire plus. Voilà, voire plus. Mais Tiezegorvro, c'est vraiment les chevaux bretons. Postier ou trait, quoi, hein. Selon le gabarit. Et l'allure. À Kalza Gezek et Zobet? Ya, à Kalza Gezek Zobet, et il y a eu beaucoup de chevaux. Hein, calze, hein, avec un pluriel derrière, beaucoup d'eux. Ya, zur, bah, concours ou aspen kan hubble? Voilà. Oui, au concours, hein, il y avait plus de 100 poulains. Hubble, c'est poulain. Et quand il y a un nombre comme ça, derrière, c'est un singulier. À Milardor et Wattut. À Milardor et Wattut. Et je vous le dis, il y avait du monde. Hervé Sklevet, Wardro, 16 000 adultes zobet. Là, Hervé Kled, Wardro, 16 000 adultes zobet. Hein. Alors Hervé Kled, à ce que j'ai entendu dire, hein, Wardro, 16 000 adultes zobet, hein, aux environs de 7 000, il y a eu. Jean. Oui, 7 000 personnes, ouais. Gwelet peus ar Riezek, à Hendal. Là, gwelet peus ar Riezek, hein, vous avez vu les chevaux, mais autrement, elle le taquine un peu là. Ah, chomedon gant me merde, à debet meus kistin rostet. Oui, ah. Chomedon de grand-mère, je suis, alors, la formule, bien sûr, c'est un bretonnisme, hein, je suis resté avec mon déjeuner, hein, merne, c'est le déjeuner, hein, ça correspond à, en gallo, on dit la méridienne, c'est le couscreiste, quoi, hein. Merne, ça vient de là, hein, méridienne, hein, le milieu du jour, hein, le repas qui est au milieu du jour. Chomedon de grand-mère, Adem Muskistin Rostet, et en plus, il a mangé des châtaignes grillées. On avait déjà vu qu'il avait un robuste appétit, hein. Un Gred Mustroer Stalio? Un Gred Mustroer Stalio, j'ai fait le tour des boutiques, enfin, des étalages, hein, oui. Un Guntum Trop, bah, Fesdé. Et un petit tour au Fesdé. Une Deves Bra, Ben Arfin. Ya, une Deves Bra ou Ben Arfin, une belle journée, finalement. C'est vrai qu'il y a eu une belle journée à Kerien. Ouais, beaucoup de soleil. Oui, oui, oui. Troisième partie d'émission, Petrazone Vervro Eri. Petrazone Vervro, Calzedra ou Eveljus, Boervé, je dis aux hommes. Krogom, Evelkis, Acustum, Gandola, Bourdouar, Agervu et Warmes. Tramène des noms vraiment, Ag Eruom, Bandis, Caramzor. Hiradra un 11, Eveljus, Beradra un D. Ag Prestigevo, Warmes, Huld, Zer, Irmais, Ag Betraves. Or maïs, il y a vraiment vu quel cas de maïs. Gwegel ne visait que quel maïs bavro, hein. Betager blavezio trug ne visait que quel maïs va par cas d'où elle veut quel vraiment. Mais de houl se visait vague de l'onde de port de guan, gand vwen, gand betraves, gand ruta, gand yot, machon me yot, bop. Ag blavezio trug, hanter quand l'asso vraiment. Ouai, maïs bavro, pis de chanche calze drau, jonge meus de ze houls, pis ouai, maïs bavro, velemze, velondra, curius, derne zun dud l'areo, ze ne badoket. Pis dur, ze zo dud de zlerel, mais ze ne badoket. Ben, pas de neus, un bêta vraiment bop. Bon derne ouai, ne bder maïs, bon, un technicien ne doit du, et vel juste, un vide, la candide d'or maïs, un jonge meus, ouai. J'ai comme ce cas de c'est quoi. Bon, BWB classe que d'or, maïs blasse ou rogue, mais, wak de sorte ou maïs abridoir, vidor, bavrou quoi. De houls ou abégrède, ninra dohan, ninra dohan eis à hanterkan, rise ou moyen de garde bavrou. Ah, c'est tu adé de maïs bavrou. Bon. Les vaisseaux, un draft. Un drave et Gervigerstad vide Pézel de Zela Bourdouar vide Randvro, un zimban de Orstudiaden ou Arzeve Londet Ebreis. Plus dur, Vegouard, hein, tientan de Randvro, Brovrans, Ebreis et vide Lez, vide Yir, vide Mor, vide Louéo, hein. Bon, Calzedro, Vegred, en mon Ebreis, vide Calzedro, mon Ebreis, Bapen, Bapen tientan. Ag, Arzeve Londet, il va, j'ai une gala, hein. Ra l'arbour de Spentry, han embreguer, ce zo de la bourrate, vid ober bouetten dut. Ag ba n'embreguer, zio ze zo, wardro, trugen mi le den o la bourrade, hein. Ba ze stal yo ze, agan se zo, bouez evel jus vid d'économie ez orvro. Med ur mar emant ez o kal ze gudenou, bon, kom ze rand de CV, jo, hein, gant de stal yo, hein. Ag bon, gudenou zo, ag, Red o kad diskoulmo evit an mez eus an afer eus. Bon, bet zo an afer dou, gad, an afer gad, tout. Bon, dal ke bon mont pel ar warze, meg gwell a red zo kal ze gude nou. Bru, meum stra zo a breiz tro a di ar zmad, hein. Ar zo be kom zo d'ar neus ke gwell bel zo deus plan pato. Puis dur a breiz ve get kal zo plan pato, ave n kas de spen hanter kant bro war ar bet. Ag zio war bon wardro, wardro tri han ferm zo ober pato e breiz. Ag pato, plant patoz, ve kavet war 10.000 devezaret. Pe 5.000 hectare, ma peson, gant a zezo bouez. Ag zio war zo nam zor de zon evit de pato, pe dur neus ke be kavet bouez gwell ar bet a brom, legumach evit de pato. Retourne de Bligédé à Pato, hein. Calze Gandawenu, Braizam Gonze de Pato. Dasqueur Pévigécande tourne Rost, hein. Rost et Gwelland Mazezo, PV Wanda Oberfrico, APV Lacke Gant en haut houche le bateau, Nahan avait plija du remis que vrai ton neutre. Alors, il y a Rost. Ag, Gandawenel, ouah, Vigécande de. Mais bicle comme quand on grande vrede grande dès que grande vrede mort mais quand on voit ce gadec un tenade pato ma très un peu bicle vas-y on tourne voir on tourne gavotte puis on comme ce voir ce gadec à de ce vrede mort ouais le mezar vos inor de vrede mort ma fine miss vos rotés enfin Henri et Yvon vos handvet officour vide narge ou agelisiri, officier des arts et lettres. bah fin de mise bah ben voir nugen de mise hier et bah en Hollywooden. Bon dans mon temps vraiment war politiquer tost al ram de ce vote à dégoût vide par ouzou hein puis dire ne ce que mes roer misine ag bon krogen trou de vir vion temps bah vro visé puis dire fait commence de c'est avait juste les krogen du de gamba il voit mais comme se fait de c'est Aze, dur, bah, pe barouz, vos red di bob, gusulérien, hein. Pe tremant de velard de gonsaillérien, hein. Hag, mer, ouan hantelard de notre mer, mais vraiment, n'est que de notre ou d'herbord, vejo ve au nitron, nitron de veres. Gogel vigelard, zé, un autre ou mer, hein. Hag, mame soit bé d'organo, un grelloir, un autre ou mer, hein. Notre homère, deux odières grises, gouelor viguine, gravegiste, agatra aussi, c'est quoi. Notre homère, deux eurostrens, au poison d'un ruiben, aga, c'est quoi, or balle ficelle, ouah, tout de merio, bon. Mais vraiment, zo, velard, notre homère, pétromane, un nitron, de sveres. Bon, plar, on a eu grande, grande mer yo ya gazette nous zo vraiment houl grande mer yo aki et une preste radroy et une jonge de radroy de glace que ratapo gardor mais betag bon menes un neube de responche bavro en menes que met de mer locale hein vrieux bozeg ne cela reste clair tiles au igarg réel zo rotas de velp et samo de droyo navel gay mer rostren ne zlard oa hont hadroi. Mais hendel, ne ske kalz a gela roaz a skler pe zi jons d'oberon. Or guden el zo bavro pe ve komz eus politikerez vid ur CCKB, strolat parez ou kreiz breiz, pu dur bon bremañ a hello ter barouz trefrin plevin a treogant, kuit ad CCKB, evit de non stag an de strolat poer communauté. Hag, bon, zézo, orgud, en vie de CCKB, puis dur, war eis parouz warnug, ne chomo que tin, mais pem warnug, hag, ne zigresco que de hargo visé, sais-tu, au stertor, quand de hempouestre et ner en autant de bars, hag, ner en autant de mes, au rond de mes. Bon, quoi, le de vos uroirs, vos ratcombs de zé, hein, pas d'ormar et roisse, puis dur, donc, Grézé, Rogdoville, Pemsek. Bon, war un dachenel, vraiment, eru et Hulz, vraiment, de l'Idan, Trégon de Vedevabla, RKB. Puis dur, Trégon, bois Trégon de la Sauve, et Clève de RKB, war Bavro, hein, Ingal, a gagné une braison, gag, bon, Zézo, Andra, Bouez, Videvro. Azuroir, Azur, même, c'est plus dur, me jonge ma de C. Oui, voyez, on entrait de Hulz, mais mi me change de C, puis on a bécrou de RKB, avec Wacke Gualez, de Zive le radio de Hulz, puis dur, Wacke d'air, on voit que mon vide, mais au Hulz de Toka, ou à Béka, d'une de change de C. Bon, Red Wacka, de Kaze Youl, et vide Don de Ben, hein, d'Oberzé. Mais bon, bénéfice, écrou de, et bécrou d'RKB, à part de neus bêta vraiment. Zonjemeuse de Hulz, mames, ou à calze du dalar, et oh, potiestud, ben, ugel l'assaut, hein, me ne vaut d'en bêtine au camp de Brazonek, n'a que bon, en radio, une Brazonek, hag, calze d'une, me s'bicle, et l'arzé, hein. Ah, ou alors, d'une, ou à l'air à blavézio, ou à l'air à blavézio, vous voyez, je suis grandi, vous, que d'en bêtine au camp de Brazonek. Hag, bon, gwellerit, bon, guiré, zoet, calze d'une, de ze rigont à Brazonek, de Hulz, zoet, nanan, même, me sera, bon, ve, a vraiment zo reyog an tis ki brezon, ek se tu, zo nam zor de zon. Med, bon, red vo der an labour a doar dach an brezon, ek evit just, hein. E zo et an an an zo et aliz gant tout an tenzorio gante, a zo chom di an avet, med, bon, kaz e braouz me mestra zo be miren, hein, dre graz de RKB, plutôt zo be de, sous Biclet, calze d'une, bah, au camp de Brazonek, bah, RKB, elle souhaite, non, Un gazuroir vaut moyenne de drus cascals et drôme, vie de rumade ou de zone, un grand squazel d'astume d'ascoy, à traudis. Bon, ag bon, un débenec de ben, bon, ben très gon l'âme, ma très un pito hugen l'âme, vretonne de gomprono pegen précieux et riez et vide au bro. Bon, n'est que d'aille un âme sans un roi, hein, peut dire, jacobine et zo bépret tien crain, tout d'or galou de couzlard zo ganté, hein, jacobine de guen, jacobine rue, jacobine pêcheur, peuple sormote, à jacobine vélestradureuse. Rien sur quoi sur quoi ce qu'arrive d'une curanave grande dute, rien labour à drésine d'onde. Mais de me mestra, bon temps ma temps, me ve gouelet, hein, gouelet mus, nevisso, armes gouelet, ou un ouest éclair, hein, mais là, armes à cause, ou un bid, bro cob, zo honte de vous rendre de calon de braise. Un grand signe, gouelet red, zo trop, zézo, n'est que bel un temps marouis, mais on arouis et me mestra, un deux, de spéce moyenne d'abord. Hag, bonne vie de, pézezel de ze nigraïsé, non, arme, vegouelle, pésamaud, mon, la, jacobine de roi, puis dur, bénéfine, zo bégel cas de drouze, ou ar digraïsé, non, anus que de, man de bémès, de ze remède, zo deux, de logon, de mès, ma peu soin. A même, ce présidente de Rendevroy, ou a beau de ce que quoi le belzo, arabanaunet, hag n'en l'arret ou en bet de pit bras, gant pez o begret, vid un digreizé, non, peu dur, n'eo ket en un tra ou a rog, tambin a ma trezen ma, mez en deg ou a drin. Bon, setu voret der an labourad, hein, ou ar dach an eurriez, hein, bon, eur radio, labour a ou ar trawel, hein, ou ar dach an ekonomiz, ou ar dach an tout pez vegret bavro, mais près de vos labours à Wardash en Riez, à Wardash en Zévinadion. Hag bon, gant Radio Yowel, hein, plus dur en minant de gant Radio Yowel, Radio Brougouin de Arvoric FM, Radio Kerné, Plume FM à Réel Vejo, bon, vos moyennes de Der Anvon Warog. Hag bon, vide visez vos raids Keleyer de Zevro, hag vos icours d'un dut de zisolo in os evenadur, un peu dur, vraiment grande médaille au bras, médaille au bras, vec comte de se couls l'arrêt. Hag bon bascolage ou vec disque calz un drôle, vel un histoire vro, vec disque d'orvigal et un amande. Bon, c'est-tu vos redmond der un labourat à der un storm. Bon, Rogue, bog rogue, vos grès d'orguel, vide d'Arcabé, un anque de gomstine de ze, zévenadur, rat krog, rin de gomst de se, pe votre âne d'orguel, mais rotassé, n'a un larandar, tien norvégel, larandar, on doc, tien norvégel, chiloé en Arcabé, hier mort, tenol. Trugari, Eri. Ya, salut.